Nous sommes en compagnie de Trix Wang Tuang et nous parlons de la plénitude du vide et d'une certaine image de représentation de l'univers qui apparaît avec la révolution galiléenne et un personnage dont on n'a pas encore parlé qui est Newton. Comment Newton imagine le vide et pourquoi va-t-il compter dans cette affaire ? Oui, alors Newton maintenant, c'est bien sûr le grand inventeur de la gravitation universelle. Donc il pose sa théorie de la gravitation universelle. C'est la même loi de gravité qui règle la chute d'une pomme dans le verger ou le mouvement de la Lune autour de la Terre ou le mouvement des planètes autour du Soleil. Mais vous voyez, il sait bien que c'est une action à distance. Alors c'est une force de gravité, quelque chose qui attire les choses, vous voyez. Et il se demande comment cette action à distance opère. Alors, il invoque un médium, donc un substrat, pour transmettre cette force de gravité. Et donc l'éther. L'éther que Aristote avait a postulé l'existence. Et lui, peut-être, il... Parce que ce n'est pas de la matière. Il sait que ce n'est pas ni le terre, le feu, la lumière, etc. Mais une substance qui est autre, donc peut-être l'éther. Et puis, pour Newton, le mouvement était absolu. Vous voyez? Et donc, il faut définir le mouvement par rapport à un repère absolu fixe aussi. Donc, il pense que l'éther va lui donner ce repère fixe par rapport auquel mesurer tout le mouvement. Parce que lui, il étudie le mouvement aussi. Les choses bougent à cause des forces de gravité. Donc, vous voyez, il introduit l'éther pour transmettre la force de gravité et puis définir un système de coordonnées absolu. Et donc, on va voir que toutes ces choses vont être complètement modifiées par la théorie d'Einstein, d'ailleurs. Et donc ça, l'éther... Alors, Newton ne décrit jamais précisément ce que c'est l'éther. Il le mentionne, je pense, il change beaucoup d'avis. Je pense qu'il ne le mentionne pas du tout en première édition, mais la deuxième édition est quelque chose sur l'éther. Enfin, donc, il sait bien que c'est quelque chose que sa théorie demande, parce que la transmission de sa force de gravité n'est pas infinie, ne se propage pas à une vitesse infinie. En tant qu'alchimiste, il est adhérent de l'idée qu'il pourrait exister un cinquième élément, la quintessence. Quintessence, tout à fait. Aussi ses intérêts alchimistes aussi le portent à favoriser ce point de vue aussi. Voilà. Donc, après Newton, bien sûr, XVIIIe siècle, c'est maintenant Faraday et Maxwell qui aussi de nouveau invoquent l'éther. Oui, qui se posent la question de comment se transmet la lumière. De nouveau, sur quoi ça s'appuie en fait. Voilà, ils unifient l'électricité et le magnétisme. Donc c'est ce qu'on appelle l'électromagnétisme. Et Maxwell démontre que ce sont des ondes électromagnétiques qui se propagent exactement à la vitesse de la lumière. Donc il unifie l'optique aussi, vous voyez. Dans un champ, le concept de champ que Faraday, justement, a introduit et qui va jouer un rôle primordial dans toutes les théories physiques du 20 et du 21e siècle. Et donc, Maxwell se dit que, bien que sa théorie ne le requiert pas, que, bon, il sait bien que les ondes qui se produisent, par exemple, quand on jette un caillou dans une mare, vous voyez, ont besoin d'une surface. C'est la surface et se propage sur la surface de l'eau. Et donc, il se dit comment mes ondes électromagnétiques vont se propager. Alors, il faut une substance de nouveau, vous voyez. Et donc, de nouveau, il invoque l'éther. Mais est-ce qu'on parle encore du vide, ou alors est-ce que c'est une notion qui petit à petit disparaît, non pas de la pensée, mais en tout cas de la littérature. Vous parlez bien de champ. Oui. On parle de substrat, on parle de quintessence. Maintenant de la physique du 21e siècle. Non, c'est à l'époque. À l'époque, c'est-à-dire on parle d'éther, on parle de quintessence, on parle de champ, donc au 19e. Oui. Ça réduit considérablement l'idée même de vide dont on parlait. Oui, tout à fait. Le champ remplisse maintenant l'espace. Il y a aussi l'éther. Et donc, c'est maintenant, le balancier est complètement du côté que le vide est plein. Ça, c'est certain. Oui. Et donc, en fait, que peut-être Aristote avait raison, vous voyez. Mais arrive Einstein, bien sûr. D'abord, il faut que je mentionne l'expérience de Michelson-Morley, qui donc essaie de mesurer la vitesse, ce qu'on appelle le vent des terres. Parce que si vous voyez, vous voyez bien que si la Terre était dans un milieu qui s'appelle éther, et elle tourne constamment autour du Soleil à 30 km par seconde environ. Vous voyez, donc on verra la lumière arriver de tous les côtés, enfin de directions qui changent. Et s'il y a un éther, on devrait avoir ce qu'on appelle un vent d'éther. C'est comme si vous voyez, vous allez à bicyclette à travers l'air, vous avez un vent qui souffle sur vos joues, vous voyez. C'est exactement la même chose. Donc, Michelson-Morley essaie, ils inventent ce qu'on appelle un interféromètre, avec cet instrument, ils essaient de détecter des variations de vitesse de la lumière très, très petites, de l'ordre de 1 km par seconde seulement. Et ce qui, et à leur grande stupéfaction, leur grand étonnement, ils ne découvrent jamais rien. La vitesse est exactement constante, toujours 300 000 km par seconde, vous voyez. Et donc, il y a eu des explications alambiquées, etc., comme l'espace va se contracter. Bon, mais finalement, contracter dans la direction du mouvement de la Terre. Tout ça, c'est, en fait, ça va être repris au plus haut point par Einstein, d'ailleurs, qui invente donc la théorie de la relativité restreinte en 1905. Avant d'arriver à Einstein, juste une petite incise, si je puis dire, à l'astrophysicien moderne, c'est intéressant, ça, comme expérience. C'est-à-dire qu'on a une idée, on imagine qu'il existe un éther, on décide de fabriquer une expérience, donc vous l'avez rappelé à Michelson et Morley, ça ne marche pas. Le fait que le résultat soit négatif va changer la vision du monde. Bien sûr. C'est intéressant, ça. Mais c'est la démarche même de la science, vous voyez, elle est basée sur des observations toujours, et on a une théorie pour essayer d'expliquer cette observation. Et ici, bien sûr, donc la variation, la vitesse et la lumière doit exister s'il y a un éther, mais on ne le découvre pas, donc il faut expliquer ça. En tirer des conclusions. Et donc, c'est Einstein qui va... Bon, il y a eu d'autres théories, mais pas très satisfaisantes, en quelque sorte. Mais comme, par exemple, je pense que l'éther bouge avec la Terre elle-même, donc on n'a pas de mouvement relatif de la Terre par rapport à l'éther, ce qui est absurde, vous voyez, parce que nous sommes un grain de sable dans l'océan cosmique. Pourquoi l'éther va bouger avec la Terre? Donc, tout ça, c'est le processus de la science, vous voyez. On observe quelque chose de bizarre qui n'est pas conforme à nos attentes d'après l'ancienne théorie. Donc, il faut changer la théorie. Alors, on pourrait longuement avec vous parler d'Einstein, évidemment. La révolution einsteinienne, elle lie l'espace et le temps et elle se débarrasse de l'éther complètement. Et se débarrasse de l'éther. Le postulat, c'est que la vitesse de la lumière est constante, quel que soit le mouvement de l'observateur. Vous voyez, ça, c'est la constante. Donc, en fait, et puisque la vitesse est le rapport de la distance sur le temps, ça va être les distances et le temps qui vont changer, en fait, dans la théorie d'Einstein. Vous voyez, la vitesse est une constante physique de la nature. Quel que soit votre mouvement, vous mesurez, tous les observateurs, vous mesurez exactement la même chose. Et c'est ce que Michelson-Morley, bien sûr, ont trouvé dans leurs expériences. Que devient le vide avec Einstein? Donc, il se débarrasse de l'éther. Totalement. Je parlais du vide. Est-ce qu'il y a encore l'idée, une notion de vide? Donc, l'espace est vide, selon Einstein. Il n'y a pas d'éther du tout, maintenant. Donc, le balancier repart de l'autre côté. Mais c'est sans compter, bien sûr, l'autre grande révolution du XXe siècle, qui est la mécanique quantique. Et la mécanique quantique ne peut pas souffrir le fait que l'espace est totalement vide, à cause du principe d'incertitude. Ne peut pas souffrir de quoi? De l'idée que l'espace est totalement vide. Totalement vide, oui. Donc, elle va remplir le vide de ce qu'on appelle des particules virtuelles, grâce à ce qu'on appelle le principe d'incertitude. Alors, le principe d'incertitude, c'est Werner Heisenberg qui l'a qui est l'auteur de ce principe d'incertitude. On connaît le plus sur sa version, vous savez qu'on ne peut pas définir en même temps précisément la position et la vitesse d'une particule. Mais il y a une autre version aussi du principe d'incertitude qui dit qu'on ne peut pas définir exactement en même temps l'énergie d'une particule précisément et sa durée de vie. Donc, si la durée de vie d'une particule est très, très petite, l'incertitude sur son énergie est énorme. Donc, elle peut, en fait, en quelque sorte, emprunter de l'énergie à la nature pour devenir particule, en quelque sorte. Mais parce que la durée de vie est très, très petite, elle va disparaître tout de suite. Et c'est pourquoi elle ne se matérialise jamais vraiment dans le monde réel. Ce qu'on appelle des particules virtuelles, des potentiels. Donc, dans cette chambre, par exemple, vous voyez, il y a... Si vous regardez à des échelles de la longueur de Planck, c'est 10 puissance moins 33 cm, très très petit, vous ne verrez pas, vous verrez des fluctuations, une mousse quantique, on l'appelle, et même le temps et l'espace va disparaître, les notions de temps et d'espace vont disparaître à ces échelles. Donc, vous voyez, la relativité et la mécanique quantique, c'est presque comme de l'eau et de feu, parce que la relativité nous présente un espace lisse et calme. Vous voyez, et c'est à grande échelle, où la gravité s'exerce. En fait, la gravité, maintenant, ce n'est pas une force de gravité, mais Einstein dit que la matière courbe l'espace, et donc la matière doit suivre la courbure de l'espace. Et c'est comme ça qu'il explique, par exemple, l'ellipse de la Lune autour de la Terre, etc. Vous voyez, ce n'est plus une force qu'il invoque maintenant, mais c'est la matière qui courbe l'espace, et c'est la courbure de l'espace qui dicte le mouvement de la matière. Donc ça c'est des vues assez différentes maintenant. Et donc, Einstein n'a pas besoin il n'a pas besoin de force gravitationnelle, il n'a pas besoin de médium, bien sûr, pour transmettre cette force. Et donc, vous voyez, tout est cohérent dans sa relativité. Donc, je reviens donc, sur la différence entre la relativité et la mécanique quantique. Donc, un espace lisse et calme à grande échelle, décrit par la relativité générale. Mais quand vous allez dans des dimensions très petites, dites de la longueur de Planck, 10 puissance moins 33 cm, tout se décompose en des fluctuations quantiques énormes. Tout fluctue, ça devient une mousse quantique qui bouge constamment et où tout est impermanent, en fait. Et donc, le but, bien sûr, le graal de la physique moderne, c'est de réconcilier, parce que ce sont des vues complètement différentes. Oui, et le but, c'est de les unifier en une théorie de la gravité quantique, et on n'est encore pas près du but, en fait, moi, je dirais, pour Alors, l'instant. Ce sont des visions, effectivement, comme vous dites, l'eau, le feu, extrêmement, irréconciliables, a priori. Oui, simplement, elles posent la question... Alors, je ne sais pas comment utiliser le mot, parce que début, naissance de l'univers, c'est-à-dire le moment où l'univers est extrêmement dense, extrêmement chaud, où finalement cette espèce de magma de particules qui allait déboucher sur l'univers que nous connaissons aujourd'hui, devait mêler cette physique quantique et cette relativité générale. Alors, la question, c'est... Quel est le rôle du vide dans la naissance de l'univers, et comment retrouve-t-il sa place? Oui, donc, de toute façon, parce qu'on n'a pas une théorie de la gravité quantique, on ne pourra jamais... Pour l'instant. Je dis jamais, pour l'instant, oui. Pour l'instant, remonter jusqu'au temps zéro même où l'univers a été créé. Donc, de toute façon, vous savez, on part... ce qu'on appelle le temps de Planck, qui est quand même déjà très, très petit, 10 puissance moins 43 secondes. Le chiffre apparaît après 43 zéros, donc un temps très, très petit. Mais ça vient justement de l'extrapolation des lois physiques du monde qu'on connaît, en fait, de la physique qu'on connaît. Mais après 10 puissance moins... Enfin, à des temps plus courts que 10 puissance moins 43 secondes, la physique perd pied, on ne peut pas décrire, de toute façon. Quand je vous dis, c'est... les notions de temps, d'espace, tout ça perdent leur signification probablement. C'est un mur. C'est un mur de la connaissance, comme vous dites, le mur de Planck, on l'appelle souvent en physique. Et donc même une durée infinie peut se cacher derrière ce 10 puissance moins 43, d'ailleurs. Vous voyez, on ne sait pas. Vous voyez, donc de toute façon, c'est le graal de la physique moderne. On essaie donc d'unifier la relativité avec la mécanique quantique et donc unifier les quatre forces en ce qu'on appelle une super force. Alors, il y a quelques décennies maintenant, il y a une théorie qui a suscité beaucoup d'espoir, ce qu'on appelle la théorie des cordes, et donc qui postule que les particules, vous savez, ne sont pas des points infinitésimalement petits, mais des vibrations de cordes, mais très petites aussi, 10 puissance moins 33 cm, qui est ce qu'on appelle la longueur de Planck. Mais pour l'instant, elle est complètement une théorie mathématique qui n'a jamais été vérifiée. Elle postule justement des choses invérifiables. Vous voyez, comment peut-on voir l'espace à des dimensions 10 puissance moins 33 cm? En plus, elle postule cette dimension spatiale extra, complètement compactifiée de nouveau, vous voyez, à des dimensions tellement petites qu'on ne peut pas les voir. Et donc, pour l'instant, pour moi, c'est une théorie mathématique. Et donc, l'espoir, moi, je dirais, est un peu retombé. Elle a suscité de l'espoir parce qu'elle a une particule qui s'appelle le graviton, transmet la force de gravité. Donc, c'est une particule messagère qui transmet la force de gravité. Elle apparaît naturellement, vous voyez, un spin 2, etc. Mais bon, pour l'instant, c'est encore une théorie mathématique, donc on ne sait pas ce qui se passe au début de la création. On n'a pas le temps, Trinxon, de rentrer dans tous les compartiments de votre livre, parce qu'en fait, vous tirez toute la physique et toute l'astrophysique moderne en tirant cette idée du vide, hein, c'est extraordinaire. Tout à fait, oui, elle repose sur cette vide. Et bon, je vais résumer ça en une phrase. Je pense que on pense maintenant que l'univers est parti d'un vide rempli d'énergie, et cette énergie va donner naissance à tout contenu matériel de l'univers. Donc le vide est responsable aussi de son contenu. Ouais. Et maintenant, il est en accélération, vous voyez. Oui, ça continue, l'expansion. Et donc on pense qu'il y a quelque chose qu'on appelle une énergie noire qui est dans ce vide aussi. Donc vous voyez, le vide est vraiment responsable de beaucoup de concepts dans la cosmologie moderne. Oui, qui est au cœur. Mais oui, derrière ça, il y a une idée d'unité quand même. C'est-à-dire que c'est la même histoire. Vous êtes convaincu qu'il y a, une façon de réconcilier l'infiniment grand, l'infiniment petit, physique quantique, oui, relativité générale. Oui. Et vous parliez de théorie des cordes. Est-ce que vous êtes un... Alors, je fais attention, mais fervent adepte de l'unification, l'idée que tout ça, finalement, pourrait avoir un seul et même sens ou une seule façon de le décrire. Oui, je pense que maintenant, la mécanique quantique et la relativité fonctionnent très bien dans leurs domaines respectifs, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Mais pour comprendre l'univers, l'infiniment petit a accouché l'infiniment grand. Il faut vraiment unifier les deux. Et je pense que, éventuellement, tout sera unifié sous l'un. À mesure, vous savez, moi, je pense que ça, c'est la démarche historique de la science. À mesure que la science progresse, tout tend vers l'un. Je vous ai déjà dit l'unification du ciel et de l'espace par Newton, parce qu'Aristote ne pensait pas que le ciel et l'espace étaient gouvernés par les mêmes lois. L'unification de l'électricité et magnétisme par Maxwell. L'unification du temps et l'espace par Einstein. Et puis, je pense que maintenant, le Graal, c'est l'unification des quatre forces fondamentales en une super force. Gros travail. Oui, tout à fait. Bon programme. Oui, tout à fait. Gros travail, mais bon, c'est le challenge. Hein. Oui, c'est le challenge à venir oui, c'est pour les générations à venir. À venir, et on ne les compte pas pour le compte. Oui.